Voici votre bulletin régional. Les chevaliers de Colomb Distinguis organisent leur souper de fèves au lard et jambon le 11 novembre à 17h30. Tout le monde est invité. Au 37 Angus Nord à Distinguis, le 11 novembre à 13h, se tiendra un atelier de croissance personnelle intitulé « Comment favoriser sa mémoire ». Vous êtes un proche aidant d'une personne aînée et vous avez besoin d'une petite pause? Ou vous avez tout simplement envie de partager des activités avec les personnes aidées? Un répit vous est offert à la coopérative Monts et Vallées, au 34 rue principale Nord à La Patrie, les 11 et 25 novembre, de 13h15 à 16h. Inscription et information au Centre d'aide bénévole du Haut-Saint-François ou à l'aide domestique du Haut-Saint-François. Un cours d'autodéfense pour les femmes et les adolescentes sera donné au Centre de femmes La Passerelle à Distinguis les 11, 18 et 25 novembre, ainsi que le 2 décembre. Inscription et information au 819-877-3423 ou au numéro sans frais 1-877-447-3423. Pour commémorer le jour du souvenir, la Légion de Sayreville a prévu un trajet qui débutera à Sayreville et qui passera par East Clifton, Cookshire et Allenbrook le 11 novembre. À Whedon, la cérémonie sera toute simple. Les familles se rassembleront devant le monument aux morts vers 13h. La collecte de feuilles mortes compostables aura lieu le 12 novembre à Ascot Corner. Assemblée générale annuelle des dribbleurs du Haut-Saint-François le 12 novembre. Pour plus d'informations, dribbleurshaut-saint-françois.com. Vous êtes un proche aidant d'une personne aînée et vous avez besoin d'une petite pause? Ou vous avez tout simplement envie de partager des activités avec la personne aidée? Un répit vous est offert à l'Office municipal d'habitation au 119 rue de la Fontaine à Distinguis les 12 et 26 novembre ainsi que le 3 décembre de 13h15 à 16h. Inscription et information au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François ou à l'aide domestique du Haut-Saint-François. Le vaccin antigrippal sera offert les 13, 14 et 15 novembre au bureau de la MRC rue du Parc à Cookshire. Le 13, de 13h30 à 20h, le 14, de 13h à 20h, et le 15, de 9 à 16h. Vous êtes un proche aidant d'une personne aînée, vous avez besoin d'une petite pause? Ou vous avez tout simplement envie de partager des activités avec la personne aînée? Un répit vous est offert au domaine de la colline, au 220 rue Craig Sud, à Cookshire-Eaton, les 13 et 27 novembre, de 13h15 à 16h. Inscription et information au Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, ou à l'aide domestique du Haut-Saint-François.